Bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le vendredi 17 mars, il est 21h26 et c'est le début de l'émission Nuisance. Nuisance, cette émission. Thank you. Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 21h43 et l'émission, c'est Nuisance. Vous pouvez également téléphoner au 05 61 53 36 95. Ne pas le faire. C'est possible. Nuisance. Under the twisted rainbow jacket, later kind of sorts of sort of, you know? And that's when it all started. It started off with a joyful shrill where everybody was crying against everybody else. Nobody deserves to cry. We only deserve to die. Die our green for our likers. You wanna be in sort of, you know, kind of sort of. The whole time I was noticing the ashtray next to my hand and the lack of a cigarette in this said hand. So I had to drag on an artificial flavoring, kind of sort of, you know. And that artificial flavoring was made of strawberry tie. It's a new sort of tide. It's the tide you gotta find inside yourself, you know. And strawberry, cause like it's organic and sticky too. Alors je regarde le gars et je me dis j'ai un café dans la tasse, mais j'ai pas envie de le boire. Color and mood. So as I was saying a little earlier on, this is a radio show. I know, it's kind of weird, but that's what it looks like. Alors on peut ne rien dire aussi. Ça j'aime bien aussi. Du coup je fous tout à fond et on entend la pièce. Nuisance. En silence. Ouais, la nuisance du silence. Nuire. Par le silence. Par le silence, la mort, décrépitude. Toujours. Désenchantement. Encore une riche n'a prise sur le silence vivant. Le silence, ça pue la mort. Ouais, mais la mort, ça fait du bruit. Non, mais ça pue quand même. Le bruit. C'est vrai, ça. Le bruit, ça pue. Le silence aussi. Ouais. Parce que le silence, c'est le bruit en fait. C'est la différence entre le silence et le bruit, c'est qu'il n'y en a pas. Le silence est un bruit. Et c'est le son du silence qui est bruit. Comme ça. C'est le silence en fait. Et ces craquements ésotériques, c'est la terre qui tremble. Staying is not now. Staying is dead already. Dead don't mean shit. The others will tell me. Or they'll tell me for sure. Fuck. Fuck the agency. I don't want the agency in my head anymore. The system will have to live without me. La canalisation procède, sous fréteusement, restant de déboires passés. No lust, no hate, nothing in fact, but placements. And scavenging. Scavenging. Scavenging. All the way down. To the leather jacket. Pas que fait. I will. On est entré dans une zone de choc, phénomène des foules, mais infime, infiniment houleuse. Les yeux fermés, on a des visions intérieures. Des milliers et des milliers de points microscopiques, fulgurants, d'éblouissants diamants, des éclairs pour microbes, des palais aux tourelles innombrables qui filent en l'air. Sous une pression inconnue, des arabesques, des festons, de la foire, de l'extrémisme dans la lumière qui, éclatante, vous vrille les nerfs, de l'extrémisme dans les couleurs qui vous mordent, vous assaillent, et brutales, blessantes, leurs associations, du tremblement dans les images, du va-et-vient, une optique grisante. All that is for sure. It's all for over here. Et même que c'est vrai, ce que je dis, merde. Oui. No creed. Pas de raison de mentir. No mess. Just the best of what. I've got no reason to forget about it. I've got the reason to forgive me. About you. But you. Et le gars me parle sur un ton franchement obséquieux. Non, etc. When I look in the mirror, I see form emanating from mirror perspective. Scream against the rim of the jacket. The whole goddamn time, I can feel the tumbling down, down, down. And it don't ever last forever, you know? It don't ever last forever. No race, no. Just falling down is the whole thing about it. Non, que je le dise. Le fesse comme fait, le rendu, nomenclaturé, tu tombes le choix. Tu tombes, tu flottes pas, tu ne voles pas, tu tombes. La vie c'est tomber, tomber vers le bas, vers le côté fenêtre, côté ennemi. Bas. Non mais pas que je ne cesse point, mais que je ne cesse point d'en profiter. Bas. And that's that, it's for the longing, toujours for best of. C'est que le début, on n'a encore rien vu, on ne sait pas ce que c'est que l'avenir. On sait ce que c'est le présent et c'est tout ce qui nous reste. C'est pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. On y est presque. J'attends. Attends pas. On saute dans le puits. Sans fond. À pieds joints, j'y suis. Peut-être la première. Les quatre fers en l'air. Le saut de l'ange. Par derrière. Superman, Superwoman, tout ça quoi. À la poubelle. Toi. Tout. Rien. Le silence. Même rien. À la poubelle. Ça pue. Ça schlingue. Ça la daube. Mort. La mort, ça pue. Ça schlingue. Ça daube. Ça fouette. Ça foire aussi la vie. Par la vie, la mort. C'est ça la vie, c'est la mort. Radio de l'enfer, l'enfer sur terre, c'est pour maintenant. Restez avec nous et vous verrez la vérité. La vérité réside dans le quoi, et le quoi, c'est maintenant et c'est là. Canal Sud, nuisance. 2, 3, 4. Nous, ce qu'on veut, c'est la tête de Hollande. Parce que Hollande, on l'encule. C'était une blague. Jamais je ferai ça. C'est dégueulasse. Jamais je prendrai la Hollande et vous voyez ce que je veux dire, c'est dégueulasse. Non, par contre, je préfère largement ne rien faire. Voilà. Ouais, ne rien faire. Let's do nothing about it. Let's all quit the war started before even starting it. Cessons ce que nous avons commencé. Avant de le commencer même. Cessons de commencer quoi que ce soit. Ouais, voilà. Avant de faire quelque chose. On veut se taire. Parce qu'on a la bouche. Pleine de merde. Ça schlingue la merde. Comme la mort. Mm. C'est pas la mort. C'est la merde. Effectivement. Elle est morte. Si quelqu'un a soif. Les merdes sont c'est à moi par le M. Le M de merde. Le M de merde. Ah, le M de merde. M la merde. Le rattache à la mort. Par le M. Parce qu'on aime. Ouais, la merde. La morgue. La morgue. La merde. La merde. Maman. C'est pas le moment de dire de la merde. Ah bon? Zut alors. C'est jamais le moment de dire la merde. L'écran des actualités. Il n'y avait plus rien dessus. L'écran de l'histoire. Il n'y avait plus rien dessus. L'écran du cadastre, des calculs, des buts. Il n'y avait plus rien dessus. Dessous. Rien. Libéré. Libéré de toute haine, de toute animosité, de toute relation. Au-dessus des résolutions et des irrésolutions. Au-delà des aspects. Là où il n'y a ni Dieu, ni plusieurs, mais litanie. Litanie de la vérité. Du ce dont on peut donner le signe. Au-delà de l'antipathie, du non, du refus. Au-delà de la préférence. Dans l'enchantement de la pureté absolue. À la monie de là où l'impureté ne peut être ni conçue, ni sentie, ni avoir de sens. J'entendais le poème admirable, le poème grandiose, le poème interminable, le poème au vers idéalement beau, sans rime, sans musique, sans mots, qui sans cesse scande l'univers. Et c'est là que c'est sûr que c'est bon. L'opération mentale, la plus commune, ne serait-elle pas celle de mise en place d'impressions, idées, événements, surprises, etc., surtout volontaires dans la journée, involontaires la nuit. Il y est procédé à de remarquables regroupements. Les comparaisons dans le haschich et la mescaline, nettes, sans mots, sans phrases, sans but charmeur, nues au point d'être des rébus, comme dans le rêve, m'ayant frappé. J'ai voulu savoir s'ils ne s'en trouvaient pas ailleurs, sans que je les ai remarqués. Pendant 2 mois, j'ai, chaque nuit et fin de nuit, tenté de retenir et de noter mes rêves, hélas, flous, gris et courts. Dans un grand nombre de séquences d'images, je reconnus, après examen, des événements, de mauvaises surprises, surtout, et des spectacles et conversations de la journée qui m'avaient touché pour être rejeté ensuite et qui recevaient de nuit une place nouvelle, inattendue, intéressante, que je n'aurais pu trouver éveillée, mise en place en vue de tranquillisation, ce qui est la raison d'être du rêve. Le rêve, je le voyais, était une comparaison circonstanciée, un film qui remontait ma journée, ma vie, une pensée en épisode. Contrairement à ce que je ferais croire la fausse poésie, l'opération de comparaison est constitutionnelle et nullement un rajout intéressant fait après. Une équipe de psychanalystes américains qui étudia la vie dans les villages isolés de Bali fit la constatation qu'il les surprit beaucoup et du même les choquer, car ils en ont un comportement névrotique. Qu'un Balinais à qui on annonce une mauvaise nouvelle s'endort. Il se retire, s'étend et s'endort. Vertu du sommeil que le rêve complétera, et après lesquels, se réveillant, notre homme sera à nouveau dispo. Le sommeil n'est pas indispensable au rêve, mais il lui est salubre. Toute analogie est une amorce de rêve. Toute analogie est une amorce de rêve. L'infini turbulent, domaine mescalinien et voisin. Henri Michaud. Ouais, qu'importe d'abord. N'est-il pas ? Plaît-il ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Avec quoi ? Ne naissons-nous pas ? Un deuxième nez. Et un troisième. Un deuxième trou du cul. Un quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 29e, 94e, 108e, 109e, un premier, un dernier, un unique, un unique, un eunuque. Un premier, donc. Un eunuque ? Un unique. Unique. Un unique. Unix. Je t'aime dans les oreilles. Moi aussi, je t'aime dans les oreilles. Thank you. hasard des choses. Delicious fragments. Are like Play-Doh in our hands when ink is set free and pens find use. Delicious fragments. Are like Play-Doh in our hands on the quality of the pen and the essence of the ink. The results can vary. Words may spell sense or become meaningless curves with beauty like lipstick, colored but vain and perishable. Sentences can cry when written in blood spotted with droplets and stained by heart projections. Dressed as letters created to define the world, locked up and organized to justify this need, craved dictionaries. Independently from the tools or the fool, the words escape from their jails, drift off of their definitions, run out of dictionaries to embrace their own musicality, rhythm. Well, to get a proper life, they beat us in the race towards poetry and don't even dare insolence. When our pride loses sight of the original idea, their velocity depends not on our generosity alone. Do you get it? I'm sure you got it. Or not. It is not. Depends not. Get out. Not life nor stinky death. Hemispheres meet, mate. Meow. Get out. bidule. Ouais, genre, désolé, tu sais. Contraption. Voilà. Désolé, j'ai rien. Contraption. Que dire ? Contraption. Contraction. Si je veux dire des trucs, moi je le dis. Contraption. Je le dis des trucs. Truc. Machin. Truc. Chose. Des trucs. Bidule. Bit. Bla bla bla. Bla bla bla. Moi je. Ah ouais, moi je. Je dis des trucs. Moi, bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Mon opinion. Bla bla bla bla bla. Qui raison. Je veux que ce que je veux qui compte. Et moi ce que je veux c'est tout. Et je le veux maintenant. I want it all and I want it now. Vous voyez. Nous voulons tout. Nous voulons tout et maintenant. Surtout violez vos oreilles. Voilez vos oreilles. Enfin je dirais, mais excuse-moi, pardon, désolé. Si si. J'ai rien, j'ai pas de thune. Désolé. Désolé, j'ai pas de téléphone. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'heure. Désolé. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. Par contre, j'ai dû désolé. Faire. J'ai dû mentir. Pour se barrer. C'est un système de quoi ? J'ai dû mentir. Pour se barrer. Une acclamation sans réserve, moi, au comble de l'admiration. Rentrer au bercail de l'universel, de l'infini, dans une félicité sans borne, sans un mot, un monde d'un feu nouveau dans, dedans, sans m'y consumer. L'extase, c'est coopérer à la divine création du monde, bafouillement de ce que je dis. Ce que je dis ne dit pas au millième de ce que je dois dire. Les comparaisons ne viennent pas, la logique ne se c'est présente coopérer. Pas. La civilisation de l'analyse des cas ne met pas dans cette beauté abstraite sans fin, sans pas au millième de ce que cela m'arrive à moi. Les raisons ne viennent pas, la pas dans cette beauté abstraite sans fin, sans pas au millième de ce que cela m'arrive à moi. Les ne viennent pas à la logique. Je colle à la divine perfection de la continuation de l'être à travers le temps. Continuation qui est tellement belle, belle à s'évanouir, si belle que, comme il est dit dans le Mahabharata, les deux jaloux viennent l'admirer. C'est cela, cortège sans fin, uni au cortège sans fin de la nature que je sens là, sans le voir, que je sens comme ses lois, s'y appliquant comme la loi d'évolution, comme les lois des gaz, les lois de la conservation de l'énergie, les lois de l'électrochimie, comme les lois jusqu'ici trouvées, les lois encore à trouver, celles qui ne seront jamais tout à fait trouvées, tout ce cortège, que dire ? Rien. Tout cela dans une acclamation sans réserve, moi au comble de l'acclamation. Dire la merde. Que dire ? Dire la merde. Ah, dans une acclamation divine ordonnance du cosmos. C'était cela, je suppose, que je voyais, qui ne peut être stoppé par une arche brisée infinie en voie, et se faire, de se défaire, de se refaire, de se continuer. Infinisation plus qu'infinie, ce qui s'accomplit, ce que je vois s'accomplir, s'accomplit prodigieusement bien, par des milliers de prodigieusement bien, en arche admirablement sans défaut. L'écran des actualités, il n'y avait plus rien dessus. Expérience 4, deuxième série, 83e page, expérience 4, alinéa B, deuxième série, opus 4, 5, 6, sur la page 34, faites l'exercice numéro 2 sur la page 34, ensuite passez à la page 287, lisez le texte, passez à la page 1, 4, Ne lisez pas le texte, c'est un retour sur la page 2, c'est la page 280, B, Kérus 27, BK, W, 861, 461, 21, 7, 12, 90, c'est mis à part de 89. Ne lisez pas la page, lisez la page, 461, 21, lisez la page, ne lisez pas la page. Brûlez le livre. Brûlez le livre, ne brûlez pas le livre. Consommez, ne consommez pas. Baiser, ne baisez pas. Tuer, c'est la logique du capitalisme. Capitalismus, no capitalismus. Sodomus, capitalismus. Bah. Du capital. Sodomisos, nos, ou nos, non, sodomisos, nos, non. Sodomisos. Scatologie ou non scatologie. Scatologie. Non, sodomisos. Non. Sodominus. Ou non prout. Anus. Necrophilie. Anusio. Scatologominus. Népiophile. Nécrophage. Non prout. Anus. Dominus. Scatologominus. Anus. Nécrophage. Non prout. Non rien. Dominus. Scatologominus. Bon. Nécrophage. Non prout. Non rien. Dominus. Scatologominus. Bon. Nécrophage, non prout, non rien. Bon, nécrophage, non prout, non rien. Interdit ça, faut pas le faire. Mais moi je m'en fous que ce soit interdit. On s'en prend, faut pas le faire, rien à foutre en fait. On s'en tape. On roule en sens interdit là. Mais moi je m'en fous que ce soit interdit. Passe la seconde, je sais pas. En fait. On s'en tape. On roule en sens interdit là. Mais moi je m'en fous que ce soit. Il y a cette horrible stridence dans l'émission Nuisance, alors que Nuisance c'est plutôt pour plaire au sens, pour ne pas nuire à la nuisance elle-même. Parce que nous ce qu'on veut pas c'est le Satan dans nous, c'est, nous ce qu'on veut c'est tous les trucs bien et tout, la vie, le bonheur, que du bonheur, n'est-ce pas ? On a le barré. Nuisance elle-même, parce que nous ce qu'on veut pas c'est le Satan dans nous, c'est, nous ce qu'on veut c'est tous les trucs bien et tout, la vie, le bonheur, que du bonheur, n'est-ce pas ? Nuisance elle-même, parce que nous ce qu'on veut pas c'est le Satan dans nous, c'est, nous ce qu'on veut c'est tous les trucs bien et tout, la vie. Le bonheur. Ça tourne mon vide. J'en ai marre, ça fait des jours que je gerbe. Et nous voilà, tous autour d'un téléphone. Réunis en ce jour. Autour de mon téléphone de Monsieur Albert. Qui n'est pas venu au rendez-vous. Son téléphone est venu malgré lui, indispensable pour l'opération suivante, celle de déféquer sur son téléphone à Monsieur Albert, qui est notre patron, notre saint patron à tous et à toutes. Merci Monsieur Albert, nous allons déféquer sur votre portable. Dégage. Belle Martha, je t'aime. Point. Stop. Les canaris sont dans le nid. Les canaris sont dans le nid. Alinéa B26W462 85 opus 47. Page 234. Suivi de. De l'opus Dominus Anus. Anus, Anusio, Alléluia, Kyrie, Lison. Kyrie ira bien, rira le dernier. Et mourir est toujours un bonheur, n'est-ce pour pas? Pour la patrie. Alléluia. Opus 47, Deus. Numéro 2745A, page 231, et demi. Je peux faire chier. Deuxième alinéa. Après le bis. N'oubliez pas le capot à la fin, le capot d'astre. À la fin, c'est et important. Levez plutôt les yeux vers les astres plutôt que de chercher la page. Si, cherchons la page pour lever les yeux vers les astres, parce qu'on a rien à foutre de la page ou des astres d'ailleurs. On va juste lever les mains au ciel et dire merde. Merde. Mort à la merde. Merde. Revenons en arrière. À 11h du matin. Je viens de me raser, drôle d'idée. Je sens aucun effet mescalinien. Rigoureusement aucun. Pourtant, l'odeur est là à mes doigts. L'odeur que je connais si bien. Vais-je reprendre de la mescaline? Oui. Merde. Oh, mais il est con, ce mec. Oh, attends, mais c'est teubé, il va mourir. Ça craint. Ça craint trop du boudin. Faut absolument interdire ce genre de pratique. Vite. Toujours aucun effet apparent. Je me sens extrêmement décidée, alerte ou en état d'alerte. Cela viendrait-il alors tout de même du vent? Toujours rien. Si j'essayais des visions, rien. Ou à peu près rien. Assez vite, j'abandonne, impatient. Est-ce que je reprends de la mescaline? Oui, il le faut. Je sens comme des reculs en moi, c'est-à-dire de l'insensibilité qui croît. Parfait, je suis sur le bon chemin. Toujours aucune interférence, apparemment, entre la mescaline et la tempête. Malgré sa violence, je n'y fais aucune attention. Comme chose du dehors, pour les gens du dehors. Tandis que le mot que je viens de mentalement prononcer est pour moi beaucoup plus réel, plus proche de ma région de dérangement, et je m'en écarte vivement. Bizarre, cette absence d'agitation. Oui, c'est bizarre. Bizarre, cette absence d'agitation. C'est bizarre. Très étrange. Ouais. C'est étrange aux étrangers. Chaugrenu, farfelu, inattendu, inhabituel. Et on ne veut pas savoir qui bizarre, c'est. Ouais. C'est que de la merde. Merde. Merde. Mais même ce que merde. Je dis, hein, c'est que de la merde. Merde. Ouais. Ah, si, grave. Quoi. Faisons la chasse. Ah, tirons la chasse. Ouais, ouais, les gens tirent la chasse. Ouais. Merde! J'ai oublié d'éteindre la cafetière. Entendre Spontaneous Dissenti au saxophone. Allah au clavier. Tout va bien. C'est gay, hein, c'est jovial ce soir. Oui, c'est grâce à moi, je sais, merci. Je le sens bien, hein, que je suis un peu relou ce soir. Mais disons, c'est pas l'inution pour rire, hein, donc on va arrêter de rigoler tout de suite. On revient au sujet, la mort. Voilà. C'est pas moi, c'est les autres. Ouais, attention, rien à foutre, de toute manière, que ce soit moi ou les autres. On est tous en enfer. À peu près au même. J'en chie. Bon. Ah ouais, voilà, c'est revenu, l'orgue est revenu, donc on se sent tout de suite mieux. Ça repose. Ouais, ça repose les oreilles, n'est-ce pas? D'ailleurs, on va écouter une sélection musicale, tu vois. Thank you. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net avec le www devant un point deux fois. Nous allons procéder à une opération des plus délicates. Nous allons racler la gorge. ce flot de pensée, sur un flot élancé. Idée folle élancée, fil fort et tassé. C'est pas si facile, et ça, faut le repasser. Rapier, c'est possible. Et pas qui peut repousser. Râle raté qui dérape, rime ressassée. Relater sale, raconter ça. Répute ou pas, dévie pas, la route est là, chérie, t'es pas. Déjà vu, la pas du rythme est là, repu des rimes au gré du temps. Merci. Ça aurait été mieux. Ouais, mais je suis un incapable, tu sais. J'aime pas la musique. Merci. Le mariage. Les nuisances. De tous nos fumées. Mélangées. Odorant. Le mariage. De tous nos fumées. Le fond de ma pensée. Odorante. Mélangées. La destination s'affine. Qu'est-ce que c'est? Le fond de ma pensée. Odorante. La direction, le cap, elle se file aussi. Érection olfactive. Ma pensée. Je sais. La direction, le cap, elle se file aussi. La destination, ça file au fil des jeux. La direction, le cap aussi. Je sais. La direction, le cap, elle se file aussi. La destination, ça file au fil des jeux. La direction, le cap aussi. Raccourci, déjà des tours, couru ou pas. Rallongi, voulu ou pas, se trouve ou pas, ça file aussi. Le cap aussi, frôlant la folie, voulu ou pas, foulant sans feu. Rallongi, ce qu'il faut désormais formuler, ça file aussi. Le cap aussi, frôlant la folie, voulu ou pas, foulant sans feu. Rallongi, ce qu'il faut désormais formuler, ça file aussi. Frôlant la folie, voulu ou pas, foulant sans feu. Rallongi, ce qu'il faut désormais formuler. La destination se file au fil des jours. La direction, le cap, se file aussi. Bonne nuit. Souvent tu parles sans savoir. Tu étales ta science avec une certaine prestance. Elle rend tes propos d'autant plus grotesques. Tais-toi. Souvent tu parles sans savoir. Écoute un peu les autres, le silence, et tu effleureras peut-être quelque chose en plus grotesque. Le sens que tu bafoues avec tes palabres. Écoute un peu les autres, ferme-la. Et tu effleureras peut-être quelque chose en plus grotesque. Le sens que tu bafoues avec tes palabres. Écoute un peu les autres, ferme-la. Et tu effleureras peut-être quelque chose en plus grotesque. Le sens que tu bafoues avec tes palabres. Je t'en supplie, ferme-la. Et tu fleurs peut-être quelque chose de plus grotesque. Le sens que tu t'es pas faire du monde avec tes palabres. Je t'en supplie, ferme-la. Le silence, une et tu fleurs peut-être quelque chose de plus grotesque. Le sens que tu t'es pas faire. Je t'ai pris une bafou. Dans la gueule. Chose de plus grotesque. Le sens que tu t'es une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Fessé dans la gueule, fessé. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée dans la gueule, fessé. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée dans la gueule, fessé. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. La gueule, une fessée, une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Une fessée. Dans la gueule, une fessée. Une fessée dans la gueule. Dans la gueule. Fessée dans la gueule. Dans la gueule. Fessée. Dans la gueule. Fessée. Fessée dans la gueule. Dans la gueule. Fessée. Dans la gueule. Fessée. Fessée dans la gueule. Dans la gueule. Fessée. Dans la gueule. Fessée. Fessée dans la gueule. Dans la gueule.